de nos politicians africans. Nosaltres estem ja ben farts, ben cansats ja de tantes guerres, de tants interessos ocults, d'espoliacions i de les grans multinacionals. Que ells cherchen leurs intérêts et ils oublient ceux de leur nation. Mais les intérêts qu'ils nous apportent, ce sont de guerre et de tueries et de violence. Quantes déclaracions de pau, quants discursos que no ens convencen, són els mateixos que ho fan, que venen les armes que provoquen tantes morts. Wa inchi zetu